Merci pour votre émission et d'avoir mis à l'honneur Jean-Jacques Goldman, que j'adore vraiment pour l'émotion qu'il procure, ses textes. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir de ses nouvelles, ce qu'il fait en Angleterre, s'il revient en France, etc. Ça me manque beaucoup. Je me souviens, je devais avoir pas 10 ans quand mes parents m'avaient offert le 33 tours là, non homologué. Et je me souviens que j'avais demandé à mes parents de ramener le disque parce que justement, il n'était pas homologué. Voilà, moi j'aurais préféré un 33 tours homologué en fait. Et je suis tout à fait étonné, il vous dit, de ne pas entendre formuler le nom de son frère Pierre Goldman, qui était un personnage important dans la vie de Jean-Jacques. Voilà, continuez. Bye bye. C'est quand même quelqu'un qui fait de la musique progressive dans les années 70-80. Quand on regarde les premières chansons de ses débuts, c'est des chansons qui duraient plus longtemps, qui n'apportent pas forcément une structure classique de 3 minutes. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup participé à, je trouve, à l'utilisation de structures progressives dans la composition musicale, comme d'autres. Hein. Mais t'as jamais Jean Goldman dans les compositeurs progressifs, alors qu'il faisait bien de la musique progressive au tout début. Hein. Jean-Jacques Goldman. C'est pas le gars qui a repris Je te donne des World Apart. Goldman, c'est l'année de ma naissance, 81, et ça a accompagné toute ma jeunesse. C'est des souvenirs de colo, aussi bien joyeux, des fêtes, des mariages, mais aussi bien des moments très tristes avec des enterrements. C'est pour moi, ça reste toujours un des meilleurs. Quand j'étais adolescente, j'écoutais Jean-Jacques Goldman tout le temps. J'avais des posters de lui partout dans ma chambre. Je lui écrivais des lettres enflammées. J'étais persuadée qu'il allait m'épouser. Bref, ça me fait plaisir d'écouter l'émission ce soir. C'est pas tous les jours qu'on écoute Jean-Jacques sur France Inter. To be or not to be, not to be. Tout est une question de choix dans la vie. Gauche ou droite, salé ou sucré, Booba ou Caris. Mais il y a de ça plusieurs décennies, a eu lieu un conflit dont les livres d'histoire ne parlent pas. Une guerre sans merci qui aujourd'hui encore provoque peur, tremblement et démangeaison chez les amateurs de jeux vidéo quadragénaires. Cette guerre opposait la team Mario à la team Sonic. D'un côté Mario, le petit plombier ventru qui porte la moustache aussi bien que Freddie Mercury. De l'autre, Sonic, un hérisson bleu hyper speed nourri aux amphétamines. J'étais, je l'avoue, Team Sonic. Je terminais le premier niveau de Sonic 2 en moins de 30 secondes. J'étais une machine de guerre. Le seul domaine dans lequel j'ai jamais été plus rapide dans ma vie, c'était ma libido. Chez moi, devant ma Mega Drive, la console de Sega, j'étais le Kylian Mbappé du Joypad. Et puis un jour, le train Sega est passé par Nancy, la ville où j'ai grandi. Une compétition avait lieu sur Sonic 2. But du jeu, terminer le niveau le plus rapidement possible. Récompense, des tas de cadeaux à la clé. Fort de mes heures passées à jouer, vestige d'une vie sociale inexistante, j'y suis allé confiant. Ce niveau, je l'avais fait 1000 fois, j'étais même à 2 doigts de leur demander de me bander les yeux. Et puis soudain, le drame. Le geste qu'on ne s'explique pas, le coup de boule de Zidane en 2006. Mon Sonic se prend un piranha mécanique en courant. Si vous aviez joué au jeu, je vous jure, cette phrase aurait un sens. Et je perds tous mes anneaux. Mon Sonic, c'est Patrick Balkany chez le juge. Je termine le niveau en 57 secondes. Je regarde le juge de touche qui me regarde avec pitié et j'ai envie de lui dire « Mais en vrai, je suis bon !» Humiliation, trauma matriciel, voilà une partie de mon histoire avec Sonic. Merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait du bien de vous parler. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Tu es le roi de l'espace, Sonic. Sonic, le hérisson, ne recule devant rien et tu le sais bien. Sonic, c'est la mascotte de Sega, la célèbre entreprise de jeux vidéo. Un hérisson bleu hyper rapide, fruit de l'imagination de 3 hommes dont on va bientôt parler. Et en créant ce personnage, le but pour Sega est simple, créer l'anti-Mario. Là où la caméra suit lentement les déambulations du célèbre plombier pour aller sauver sa princesse, l'écran peine à contenir la fougue du hérisson Cobalt. 25 ans plus tard et 70 millions de jeux vendus après, Sonic est toujours là, même si Mario a su mieux gérer le passage du temps. Dans une sorte de relecture des fables de La Fontaine 2.0, le combat qui oppose Mario à Sonic peut se résumer ainsi « Rien ne sert de courir vite, mieux vaut partir à point ». Néanmoins, Sonic reste une star du jeu vidéo. Et pour en parler, j'ai à mes côtés Thomas Hercouette. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors vous êtes créateur de l'émission La Nuit Originale, formidable émission. Hein. C'est gentil. Voilà. Community manager pour le site Topito et fan de Sonic. Ouais. Avec nous également Benjamin Benoît, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous avez écrit le livre Génération Sonic, l'élégance du hérisson bleu, paru aux éditions Third. Absolument. Également avec nous Florent Filardet, alias Isaki. D'ailleurs, on va l'appeler Isaki pour le reste de l'émission, en ligne. Très vous bien. Êtes administrateur du site Planète Sonic, bonjour. Bonjour Frédéric. Et enfin, mon comparse, le frère que j'ai eu d'une autre maman. Le Tails. Voilà. attention, attention. Olivier Bénis, journaliste ici à France Inter et spécialiste des jeux vidéo. Bonjour Olivier. Salut Frédéric. Ensemble, on reviendra sur la création du hérisson bleu, sur son succès et ce qu'il a représenté pour l'entreprise Sega à l'époque. On évoquera les multiples déclinaisons qui ont été faites autour de lui, dessins animés, apparitions dans d'autres jeux vidéo, comics. On tâchera de comprendre pourquoi et comment Sonic a un petit peu perdu de sa superbe avec le temps. Et on parlera bien sûr du film Sonic, censé sortir l'été prochain, mais qui a été repoussé suite au très mauvais accueil fait au look du personnage par les internautes. Allez, on perd pas de temps, on parle de Sonic dans Blockbuster. Attention all units. Suspect seen heading south. Block all major roads and capture the suspect. Benjamin Benoît. Donc on parle de Sonic et quand on parle de Sonic, on parle aussi de Sega. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter cette entreprise de jeux vidéo qui s'appelle Sega ? D'où elle vient ? Comment elle est née ? Alors Sega, ça, c'est une entreprise qui a toujours été un petit peu punk dans l'écosystème du jeu vidéo. Alors c'est une longue histoire qui part de la Seconde Guerre mondiale, le saviez-vous ? Et Sega est devenu progressivement un consolier qui, fut un temps, s'est imposé dans ses concurrents. Ils sont passés par, comme Nintendo, ils sont passés par l'objet, d'abord par les flippers, puis progressivement ils se sont insérés dans cet écosystème, dans cette économie. Ils ont sorti la Master System, puis la Mega Drive, qui a donc été la console qui a propulsé le personnage dont on parle aujourd'hui. Il faut savoir qu'à l'époque, Sega était vraiment à la traîne derrière Nintendo, qui avait déjà sorti la NES, cette fameuse petite console sur laquelle on a pu jouer au jeu que beaucoup d'auditeurs doivent connaître, Super Mario. Alors absolument, disons qu'il y avait une guéguerre intestine en fait, qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, l'un des deux a survécu, vous aurez compris lequel, dans le sens où on s'envoie des petits taquets à la figure, parfois par publicité interposée. Je suis Nintendo, je peux faire ça. Sega ne peut pas faire ça. C'est l'inverse. On le clame haut et fort. Il y a une véritable guerre des consoles qui n'est plus un phénomène qu'on voit aujourd'hui. Et le but du jeu, c'est d'incarner ces consoles, d'incarner les consoles, d'incarner les entreprises. D'où le concept de mascotte, donc de guerre des consoles, mais aussi de guerre des mascottes. Oui, guerre des mascottes, parce qu'à l'époque, Super Mario règne en maître sur le royaume du jeu de plateforme. D'ailleurs, Olivier Bénis, est-ce qu'on peut préciser ce qu'est un jeu de plateforme ? Un jeu de plateforme, eh bien, comme son nom l'indique, c'est un jeu dans lequel il y a des plateformes sur lesquelles il faut sauter, bondir et courir. L'idée, en fait, c'est donc, dans 90% des cas, alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui avec la 3D, mais à l'époque, c'était un petit personnage vu de côté qui devait éviter des ennemis, sauter sur les ennemis ou leur tirer dessus, et se déplacer donc en sautant par-dessus des gouffres ou sur des plateformes pour éviter toutes sortes d'obstacles. Voilà, c'est quelque chose qui effectivement a été archi-popularisé par Super Mario, qui est un peu la quintessence du jeu de plateforme. Enfin, on pourrait même faire des thèses sur la manière dont les niveaux de Mario, du premier Mario, sont conçus pour faire comprendre immédiatement en fait comment fonctionne un jeu de plateforme. Et Sonic en fait est arrivé un petit peu là-dedans avec une différence. Alors sur le jeu de plateforme, en fait, j'ai tout de suite envie de poser un petit souci là-dessus, c'est que pour moi Sonic n'est pas totalement un jeu de plateforme. C'est-à-dire que Mario est un jeu de plateforme dans le sens où vraiment le gameplay est basé sur les déplacements. Sonic c'est plus une sorte de jeu de course labyrinthe très très rapide. Qui est qu'on se préoccupe moins du fait de sauter sur les plateformes et d'éviter des obstacles que d'aller le plus vite possible, comme vous le disiez, à la fin du niveau. Et justement, est-ce que cette différence entre la manière de concevoir le jeu de plateforme à la Super Mario et la plateforme à la Sonic, ça vient pas de cette innovation qui a été de laisser le choix aux joueurs entre deux manières de jouer, c'est-à-dire soit courir à tout berzingue et tracer le niveau et donc on est plus proche d'un jeu de course, ou passer par les niveaux inférieurs, le bas des niveaux, et là être dans une logique de beaucoup plus proche de la plateforme où on saute sur un personnage. Isaki, qu'en pensez-vous? Au niveau de comment sont construits les niveaux, etc. Enfin, moi, je trouve que c'est super intéressant comment Sonic fait les choses. Il a pas uniquement voulu faire les choses par vitesse, il voulait aussi le faire par exploration. C'est-à-dire que tous les niveaux de Sonic, en tout cas les premiers, Sonic 1, 2, 3 et Knuckles, sont des jeux qui sont conçus autour d'explorer. La vitesse nous permet pas uniquement de finir le niveau le plus vite possible, elle nous permet aussi de débloquer des nouveaux lieux dans les niveaux, d'obtenir de nouvelles vies pour pouvoir aller jusqu'à la fin du jeu. Voire parfois trouver tout ce qu'il nous faut pour avoir les émeraudes du chaos, dont on n'a pas encore parlé. Oui. Mais qui sont de très gros bonus. Ouais, l'exploration est constamment, récompensée en fait. Récompensée. Ouais, c'est exactement ça en fait. La vitesse, c'est la récompense de la maîtrise du jeu. C'est-à-dire que quand on commence dans Sonic, tout le monde nous dit ouais, Sonic, c'est le jeu de la rapidité. Ouais, on y va mollo au début quand même. Hein, parce que le truc, c'est qu'on commence à aller vite, il y a un petit monstre qui arrive, ou des pics, ou globalement un obstacle, et c'est le game over quasiment directement si on fait pas gaffe. Donc la vitesse vient en récompense de la maîtrise du jeu. Et plus sans on maîtrise, avance dans la le puissance jeu, n'est rien. C'est ça, il faut maîtriser la puissance. C'est comme une belle carrosserie en fait, finalement. Il faut au bout d'un moment maîtriser le truc, sachant que quand on va plus vite, les obstacles sont différents. Mais ils sont aussi plus nombreux, la difficulté vient aussi du joueur et comment est-ce qu'on maîtrise le jeu. Et ça c'est fou parce que c'est grisant. Quand on va à toute vitesse dans le jeu, on a déjà atteint un niveau de plaisir, mais on va chercher un autre niveau de plaisir. C'est un peu le dépassement de soi en fait. Et alors, on va revenir un petit peu en arrière. Sega a besoin d'imposer une mascotte, mais il y avait déjà des tentatives de création de mascotte avec la Master System, la première console de Sega. Il y avait notamment Alex Kidd, qui avait un fonctionnement assez proche de celui de Mario. Alors absolument, disons que c'était un jeu de plateforme beaucoup plus traditionnel où il fallait se déplacer, sauter, c'était assez lent. Mais le problème, c'est que Sega s'est rendu compte que rapidement, le souci avec Nintendo, c'était son côté justement un peu posé, bedonnant, vous l'avez dit, lent, pas forcément antipathique, mais qui manque d'un quelque chose, qui manque de cool, qui manque d'attitude. Et ça, Alex Kidd ne l'avait pas. Du coup, le personnage de Sonic s'est créé avec cette idée de il faut quelqu'un de un peu de second degré avec quelque chose, un peps. Et ça a été lié à cette notion de vitesse diégétique dans le jeu et dans pour le personnage. Et c'est aussi l'arrivée sur les marchés des consoles de la Mega Drive, la seconde console de Sega, qui a été distribuée avec un jeu plus mûr que ceux proposés à l'époque par Nintendo, Altered Beast. Et il y a eu ensuite une volonté de faire de la Mega Drive une plateforme pour la nouvelle mascotte de Sega. Et la console a été vendue avec le jeu Sonic. Alors, qui a créé Sonic, en fait? Parce qu'ils sont trois. Ils sont trois. Il y a un triumvirat composé de Yuji Naka, que l'on ne présente plus. Naoto Oshima, qui a designé le personnage en tant que tel, après une espèce de long concours interne au sein de Sonic, dans une espèce de grand derby entre les équipes américaines et japonaises. Car c'est ça, Sonic, c'est entre Orient et Occident, c'est le meilleur des deux mondes. Et Hirokazu Yasuhara, qui est le designer des niveaux, c'est grâce à lui qu'on fonce à toute vitesse dans ces jeux. C'est cette mentalité de si on va haut, c'est rapide, si on va en bas, c'est beaucoup plus difficile. Donc ces trois personnes-là constituent donc ce qu'on appelle la Sonic Team, qui a donné de moult jeux et cette grande saga transmédia qu'on discute aujourd'hui. Et alors, l'histoire du hérisson bleu, parce qu'on se demande d'où ça vient, hein, c'est quand on pense rapide, c'est le hérisson, c'est pas forcément ce qui vient en premier. En fait, la genèse de la création de Sonic, son look, ses gants, ses chaussures, d'où ça vient? En fait, le hérisson, c'est une conséquence logique de la mentalité du jeu. On va faire comme Mario en retirant un bouton. Sonic, on ne joue qu'avec un seul bouton, on se déplace, d'accord, mais on saute et on saute en attaquant en même temps. Du coup, le personnage, il faut qu'il soit dangereux quand il saute. Qu'est-ce qui se roule en boule? Un hérisson. Du coup, on a l'espèce de la mascotte. Le bleu, c'est parce que c'est l'emblème de Sonic, le jeu vidéo qui s'en inspire, c'est Outrun de Sega. Merci. On prend le bleu d'Outrun, qui est un jeu de course emblématique du consolier. Et on a le combo avec des belles espadrilles. Ah oui, ce sont des espadrilles. Je ne sais pas pourquoi. C'était un problème de localisation. De belles espadrilles rouges qui rappellent Michael Jackson. Et les légendes disent, les tablettes sacrées disent qu'il y a même un petit peu de Bill Clinton pour l'attitude Get It Done de Sonic le Hérisson. Et oui. Je pense que quand on évoque Bill Clinton, maintenant les gens pensent à d'autres affaires et oui. ils sont en train de faire un vieux mélange avec Sonic, ça doit être très bizarre. On va continuer des dessins là-dessus, ça va être horrible. On va continuer de parler de Sonic dans un instant, mais pour le moment, on va écouter un groupe qui a fait les bonnes heures d'un autre jeu vidéo Sega nommé Crazy Taxi. On écoute Offspring avec The Kids Aren't Alright. Cette émission est réalisée par Céline Hila, à la programmation musicale Muriel Pérez, Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot et Aurore Mansip ont préparé cette émission, et à la technique aujourd'hui, Paul Percheron et Philippe Duclos. C'était The Kids Aren't Alright de Offspring dans Blockbuster sur France Inter. Alors Tels, on va pouvoir y aller? J'ai fabriqué une télé rien qu'avec des trombones. Ouais. Reprogrammé un super ordinateur avec du liquide vaisselle et un cure-dent. Je sais. Alors pour moi, réparer l'hélice d'un avion, c'est presque aussi facile que de faire la sieste. D'accord, mais t'avais pas besoin de me raconter toute ta vie, tu sais. Il suffisait de me dire qu'on pouvait décoller. Très bien. Prêt à décoller. Cool. Je rappelle que durant tout cet été, via notre répondeur, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, le 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Sonic le Hérisson, le Sonic, la mascotte de Sega. Nous sommes toujours avec Thomas Hercouet, Olivier Bénis, Benjamin Benoît et Isaki pour parler Sonic. Et donc, on a bien compris que Sonic avait été inventé pour incarner une forme de cool attitude, de quelque chose d'un peu plus branché que Mario. Et ça correspond en fait à l'âge d'or des jeux Sonic, notamment Sonic 1, 2, 3. Et là, vraiment, je m'adresse aux gamers que vous êtes. Quelle a été votre rencontre avec Sonic? Thomas Hercouet? Ouais, ça a été le copain qui avait plus de thunes et qui avait la Mega Drive. Qui, au milieu des années 90, bon, on est quoi? Moi, j'avais, je crois, 7, 8 ans, peut-être un peu moins. Et j'avais pas de console, mes parents ne voulaient pas que j'aie de console, et ce qui est un parti pris d'éducation parfaitement honorable, mais j'avais ce voisin, qui était le cool kid, qui avait de la thune, donc qui avait la Mega Drive et la Super Nintendo. Le gars avait les deux. Mmh. Mais du coup, il avait ce jeu que personne n'avait, les gens au mieux avaient la Game Boy, et lui il avait Sonic quoi. Il avait Sonic avec deux manettes, sauf que ça se joue qu'à un. Mais du coup, il y avait ce truc de, c'était les cool kids qui avaient vraiment le jeu Sonic. Et si tu voulais être un cool kid, il fallait que tu aies la Mega Drive et Sonic. La Super Nintendo, c'était bien, si t'avais un petit frère. Oui, c'était pour les enfants. Ouais, moi. Oui, les grands enfants. On n'était pas branchouilles. Benjamin Benoît. Alors de mon côté, mes parents qui nous écoutent et que je remercie, que je bénis, m'avaient offert une Mega Drive et du coup j'avais découvert la première trilogie, pas dans l'ordre, presque dans l'ordre, et c'était la découverte d'un gameplay presque parfait, ce que vend Nintendo, le côté tout est fluide, tout est parfait, il n'y a aucun bug, l'expérience de jeu est fantastique. C'était déjà une grande histoire d'amour. Mais quand j'ai acheté, enfin quand on m'a offert à Noël une Dreamcast, j'avais 9 ans, deux ans plus tard, en 2001, sort Sonic Adventure 2, qui est peut-être le meilleur jeu 3D de Sonic sorti à ce jour. Et donc, on vous avait diffusé City Escape en début d'émission de Crush 40, et le premier niveau, Sonic dévale à toute vitesse dans San Francisco sur son snowboard. C'est grisant, c'est parfait, la musique est super, car la musique est toujours super dans les jeux Sonic. Ça va d'une rapidité à tout rompre, on oublie tous ses soucis, c'est incroyable, c'est la nostalgie, c'est Sonic. C'est Isaki ? Alors moi, ça a été assez différent de tout le monde ici, je pense, parce que je suis un peu plus jeune. J'ai découvert Sonic d'abord avec Sonic le Rebelle à la télé, j'étais tout petit, mais j'ai très vite oublié cette série, très très vite. Et ensuite, il y a eu Sonic X à la télé. Et ça, ça a été un très bonne série, oui, très sous-estimée. Tout à fait, et un très grand tournant pour Sonic, parce que il faut dire que le site Planet Sonic déjà est quasiment né de la hype autour de Sonic X et de Sonic Heroes, que oui. À cette époque-là, mon père m'avait offert. Et j'ai séché ce jeu comme pas possible, pour ensuite enchaîner sur tous les Sonic sortis sur la GameCube. J'ai acheté tout ce que je pouvais, sauf les Gem Collection, parce que c'était des jeux en 2D, ça m'intéressait pas, malheureusement. Et oui. C'était une mauvaise idée de ma part, mais bon. Parce que j'ai quand même raté ça pendant quelques années. Olivier Bénis. Alors moi c'était avec la Master System que j'ai découvert Sonic 2, mon premier Sonic, qui était donc, alors la Master System à l'époque, la Mega Drive existait déjà, les Sonic sortaient déjà sur Mega Drive, mais il y avait des versions un petit peu moins bien faites, un peu moins jolies, avec des décors moins beaux sur Master System pour les gens qui n'étaient pas des cool kids, donc comme moi qui avait juste une Master System à la maison. Mais voilà, mais faut dire aussi que Sonic c'était en plus d'être une mascotte, c'était une vitrine technologique, c'est-à-dire que le projet Sonic sur Mega Drive, ça nous en mettait plein les yeux, et le but était de faire ça aussi. Je pense qu'il devait y avoir une part de ça dans la construction du personnage, c'est qu'on s'est dit, on va faire un personnage ultra rapide pour pousser la console dans ses derniers retranchements dès le début et montrer aux gens, regardez comment ça claque à l'écran quoi. Et d'ailleurs il y avait même un jeu très intéressant quand tu jouais à Sonic, c'était de faire en sorte d'aller le plus vite possible pour que le scrolling, c'est-à-dire la vitesse de déplacement de l'écran, soit à la traîne par rapport au personnage. Et moi je sais que c'était vraiment parce que j'ai commencé à jouer avec le premier Sonic sur Mega Drive, que je me suis acheté en travaillant au Black. Parce que souvent les gens. Je le dis parce que sur Twitter, sur le service public. Oui, bombe de Bourges, vous avez une Mega Drive. Non. J'ai travaillé, monsieur, pour me la payer, mais je travaillais dans un magasin de jeux vidéo, ça aide. On la vendait vite. Voilà. Et donc, effectivement, j'ai commencé avec Sonic 1. Ensuite, Sonic 2 Révolution, parce qu'il y avait des loopings en forme de spirale dans lequel Sonic évoluait comme ça. Et je crois que j'ai dû passer des heures à refaire cette boucle juste parce que je trouvais l'animation formidable. L'apparition de Tails, le renard haut de queue. Et puis ensuite, il y a eu Sonic 3, Sonic et Knuckles, une sorte de DLC sous forme de cartouche qu'on branchait sur le jeu original pour que les niveaux augmentent. Et effectivement, Olivier, vous avez raison quand vous parlez de vitrine technologique, parce qu'ensuite, il y a eu le Mega CD, c'est-à-dire le passage qu'on accrochait à la Mega Drive, et la 32X, qui sont deux additifs à la Mega Drive qui ont eu pas énormément de succès, on est d'accord. Ce qui permettait de transformer sa Mega Drive en tour géant. En tour géant, ça a été un peu une catastrophe, tout ça, quand même. Oui, c'était la première fois qu'on voyait une console grandir spontanément. C'est-à-dire que. En même temps que nous. Oui, en même temps que nous. C'est-à-dire qu'on lui rajoutait un méga CD, on lui rajoutait une 32X. C'était vraiment n'importe quoi. Avec des adaptateurs, il y en avait trois derrière. Il y en avait trois, il fallait avoir toute une barre de multiprise. De multiprise, ça consommait un jus de folie. Quoi. Et la Mega Drive va ressortir, vous savez, en édition un peu minimaliste avec des jeux intégrés. Et pour les nostalgiques, on peut avoir des espèces de add-on en mousse. Donc même la nostalgie du moche est toujours là chez Sonic, c'est incroyable. Ah, c'est Et en fait, c'est après ces trois jeux, il y a eu une sorte de passage à vide. À quel moment, en fait, on marque le tournant dans l'histoire de Sonic, Isaki? Je pense qu'il y a déjà deux choses. Il y a l'arrivée de la Saturne et le fait que Yuji Naka n'avait plus envie de faire de Sonic pour quelque temps. Il a d'abord voulu faire Knights, et c'est là qu'est arrivé un gros souci. La Saturne ne se vend pas. Pour qu'elle se vende, il faut un Sonic. Ils ont fait Sonic R, et également, il y avait Sonic Extreme qui devait sortir, mais Sonic Extreme, pour le faire, il fallait un moteur qui fonctionne, et les gars qui le développaient n'arrivaient pas à le faire tourner sur Saturn, ça tournait sur PC, mais c'était tout. Et Yuji Naka a vu le projet, sauf que le projet n'était pas, il n'était même pas au courant qu'il y avait ce projet Sonic Extreme, et il a refusé de donner son moteur, enfin de prêter son moteur pour Knights, qui était adapté à Sonic Extreme, et du coup ça a empêché le jeu de sortir tout court. Parce que donc ça a privé la Saturn D'un vrai Sonic jeu d'action. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que les Sonic, comme Mario pour Nintendo, sont des jeux qui font vendre des consoles. Mmh. Et donc sans jeu, échec d'une console. Les fameux system sellers. C'est ça. Sachant que Sonic R, dont il a parlé tout à l'heure, c'était un jeu de course. De course, oui. Où il court à pied. Oui. Alors la musique est énorme, la musique est géniale, mais ça reste un jeu de course Sonic, quoi. Et ouais. Je me rappelle qu'il le vendait à la fin avec des paquets de céréales, quand même. Donc c'était... Mais ça reste quand même, ce qu'on disait tout à l'heure, ça rejoint totalement ce que vous disiez, c'est une vitrine technique. Sonic R sur Saturn, c'est une sacrée vitrine technique. Très bien vieilli. Je sais pas, c'est pas le plus beau jeu de la console. Mais par contre, il y a quelque chose de paradoxal justement pour une vitrine technique, c'est que, alors, selon moi, vous allez peut-être pas être d'accord, mais pour moi, c'est la 3D qui a fait extrêmement mal à Sonic, c'est parce que aussi. Le jeu était tellement conçu sur la vitesse et on s'était tellement habitué justement. Enfin, la 2D permettait ça, permettait d'aller très très vite et de pas être perturbé pour autant par tout ce qui entourait comme les ennemis et tout. En revanche, la 3D plonger le joueur à l'intérieur et c'est très difficile d'adapter en fait le joueur lui-même à la vitesse de Sonic. Donc en fait les Sonic en 3D quand on compare avec la 2D, on a l'impression qu'ils se traînent, y compris sur les plus rapides, ce qui fait très bizarre pour un Sonic. Alors je suis entouré par des experts, mais une question me taraude, le sont-ils vraiment? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Ah oui. Je vais vous poser trois questions extrêmement pointues concernant Sonic. Saurez-vous y répondre? Sonic est un hérisson extrêmement rapide. Sauriez-vous me citer trois autres animaux lents dans la vie, mais rapides à l'écran? Speedy Gonzales. Ah, bien. Ah, allez-y, Thomas Hercouet. Bip bip. C'est pas très une autruche, c'est pas si rapide que ça. Si une autruche. Bip bip va plus vite qu'une autruche. Ça peut aller vite, mais pas tant que ça. J'ai envie de citer le ver de terre, puisqu'on va rester dans la Mega Drive avec Earthworm Jim. Oui. Sa super combinaison spatiale. Je le valide. Allez. Bon, moi, je rajoute à Bip Bip le coyote, quoi, parce qu'il courait quand même très très vite, ouais, aussi. Mais il utilisait beaucoup la technologie pour se déplacer. Ouais. Avec Isaki, une réponse? Allez, j'irai sur Ratchet de Ratchet & Clank, parce que de temps en temps, il utilise des machines pour aller extrêmement vite. Oui, mais il est aidé par la technologie. Moi, j'aurais accepté aussi les Tortues Ninja. Tortues Ninja. Elles sont rapides? Ah bah oui. Est-ce qu'elles sont plus rapides? Ah bah c'est des ninjas. Bah, elles se cachent, du coup. Oui. Non. Elles se cachent parce qu'elles sont lentes. Kung Fu Panda. Turbo l'escargot. Ah oui, bah oui, bien sûr. Et j'acceptais François Hollande. Oh. Question suivante. Mais enfin. Sonic a des chaussures comme Mickey. Il a des gants comme Mickey. Mais contrairement à Mickey, il n'a pas de culotte. Est-ce que Sonic serait plus à l'aise avec son corps que Mickey? Alors, Je pense que c'est tout à fait vrai. On ouvre une boîte de Pandore gigantesque. Thomas Hercouet, allez-y. Oui, je pense que Sonic est très à l'aise avec son corps. Et si on cherche, si on prend la peine de chercher dans des recoins d'Internet ce qu'on appelle cette communauté furie en question, il y a des dessins, il y a des fans, il y a des gens qui ont aimé Sonic, mais qui l'ont aimé d'une passion. Qui l'ont aimé trop fort. Mais qui l'ont aimé un peu trop fort. Oui. Et si vous allez sur certains sites web, notamment un site de partage de dessins qui est extrêmement. On mettra les liens sur le site de France Inter, bien sûr. Si vous cherchez Sonic fan art, avec peut-être des termes moins de 18 ans, vous allez trouver sur des perles. Le faites pas, je vous conseille. Mais oui, Sonic est trop à l'aise avec son corps. Très bien, eh ben, on va rester là-dessus. Et là, tout de suite maintenant, on va écouter encore de Vendredi sur mer. Alors j'ai reculé, j'ai cru pouvoir te plaire. Est-ce que je me suis plantée? J'ai repensé à cette nuit, dans tes bras un instant. C'était si long et infini, éphémère pourtant. Et ton souvenir c'était si bien, c'est sûr, j'y repenserai. Silence me fait douter, tu laisses un vide en moi. Je crois que j'ai aimé la violence de tes choix, tes mains qui englobent mon cou et l'étreinte d'une nuit à genoux. Je sais que je ne devrais pas, je sais que je ne devrais pas, mais j'en veux encore, encore. C'était encore de Vendredi sur mer. Blockbuster, Frédéric Sigrist. I am your father. Sur France Inter. J'ai capturé tes amis et les ai jetés à travers le temps pour qu'ils servent d'appât. Mais plus ton monstre crée des failles dans le temps, plus tu fais de mal à toute la planète. La planète, elle m'appartiendra tout entière quand je l'aurai fini avec Sonic. Ah oui, les méchants dans les jeux vidéo sont comme Laurent Ruquier, ils rient de leurs propres blagues. On a tous reconnu Donald Trump. Exactement, exactement. Alors, c'est vrai que là, on a entendu Robotnik, Eggman, l'ennemi séculaire de Sonic. On n'a pas parlé de l'histoire, parce qu'il y a quand même un semblant d'histoire derrière Sonic. C'est une sorte de fable écologique qu'on pourrait évoquer. En tout cas, dans les premiers. Fable écologique. Oui, très vaguement. Disons qu'on est dans un univers vaguement dystopunk où le méchant Robotnik prend tous les petits animaux de la forêt et les transforme en robots sans âme. Du coup, Sonic, ce grand ami de la nature, effectivement, récolte les émeraudes du chaos et détruit les capsules du docteur. Je réalise à l'instant que c'est l'histoire de Pokémon inversée, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un monstre, une personne humaine qui capture plein de petits animaux pour les transformer en machines à battre des gens. Avec des pierres qu'il faut collecter, que lui collecte tout au long de la partie, c'est Pokémon. Mais c'est ça, c'est le jeu, ça c'est le scénario du premier. Après, on rentre dans des histoires où on va dans un monde de fantasy, dans les mille et une nuits, ça a tapé à tous les râteliers, Sonic. Et dire qu'il y a deux minutes, on pensait que ça allait être une histoire simple, et on commence déjà à se dire, mais non, en fait, ça évoque ça aussi. Notamment le clonage avec l'apparition de Shadow, le rival de Sonic. Nemesis beaucoup plus classe d'ailleurs, noir, rouge, comme ça, qui mystérieux. Qui heureusement n'a pas gardé son design original, qui est une horreur sans nom, c'est Sonic en noir avec une cicatrice. Oui. À l'origine, c'était ça. Mais c'était badass. Et il a des flingues. Très important. Il est tellement edgy, il a des flingues. Les flingues, c'était en 2005, ils ont arrêté après. Heureusement. Par contre, dans le plus suivant, ils ont gardé les véhicules. Oui, Sonic. Quelle conversation de geek, tu sais, entre les deux. On va vous laisser. Il a des flingues. Il y a eu énormément de personnages qui ont été créés autour de Sonic, tant et si bien qu'aujourd'hui, énormément de joueurs réclament un retour vers Sonic, Tails et Knuckles à la limite, parce qu'on est allé beaucoup trop loin dans les personnages secondaires qu'on a inventés. Ce qu'on appelle les shitty friends, les copains merdiques. C'est un terme de fan. À chaque jeu avait son copain merdique supplémentaire. C'est ça que ça veut dire. Il y a des gens qui m'appellent comme ça, en fait, dans Warcraft. On est toujours les shitty friends de quelqu'un, maintenant vous le savez. Donc chaque nouveau jeu avait son personnage supplémentaire, et comme il y en a eu des dizaines et des dizaines, et bien les fans ont eu marre. Du coup, aujourd'hui, le retour aux sources est très apprécié. Sonic Mania est sorti il y a 2 ans et il imite les mécaniques des tout premiers, il l'imite fort bien, et justement il les fait par un fan, car aujourd'hui Sonic, c'est une histoire de fans. Mais justement, des fans, des fans qui tiennent des sites, des fans qui font des fanfics, des dessins. Bandes dessinées. On a désormais des fans qui font des jeux, et qui font des jeux de meilleure qualité, des jeux officiels, absolument, adoubés par Sega, qui font des jeux de meilleure qualité que la Sonic Team. À quel moment, en fait, les fans sont arrivés en disant, bon, écoutez, vraisemblablement vous avez moins de respect pour votre mascotte que l'on en a pour lui, donc on va gérer les choses. À quel moment il y a eu un changement? C'est avant même ça, en fait. C'est dès l'arrivée d'Internet. Le premier gros fan game connu, c'est Sonic Robo Blast 2, qui est un jeu en 3D isométrique, qui est encore joué de nos jours, qui est modé. Récemment est sorti Sonic Robo Blast 2 cartes. On peut faire, en gros, c'est un jeu de cartes à la Super Mario Kart sur Super NES. Donc dès les débuts, après, effectivement est arrivée une époque où ça a explosé, mais ça a toujours été aussi fort que ça, en fait, la scène fan game pour Sonic. Olivier Bénis. Et on parlait aussi du fait que Sonic était allé trop loin, alors sur les Shitty Friends par exemple et tout, mais Sonic est vraiment allé très très loin dans le terme de jeu, parce qu'on a développé, enfin on a démultiplié les univers, les choses, les tentatives pour essayer de faire revenir, mettre des flingues à un des personnages, ça marche pas, on l'enlève. Enfin, ils ont vraiment tout tenté pour essayer de faire en sorte que Sonic redevienne une mascotte iconique. Et au final, là où ça a marché, c'est quand ils ont tout arrêté et qu'ils ont dit, bon, on va appeler un fan, on va appeler un mec qui fait lui-même ses propres jeux Sonic, on va lui confier la licence officiellement, on va lui dire, tu fais le nouveau jeu Sonic. Et il a fait ce qui serait en fait la suite des 3 premiers dans les années 90, qui est Sonic Mania, qui est un jeu qui a été fait comme s'il était sorti sur Mega Drive, et ça a été un énorme carton, à la fois, voilà, qui est un excellent jeu en plus, mais vraiment formidable. Ça transpire l'amour du personnage et l'amour du jeu vidéo de l'époque, donc c'est ça qui fait que ça marche. Et en même temps, il y a un autre jeu qui est sorti, qui était l'autre jeu officiel fait par la grosse équipe et tout, qui était Sonic Forces, et qui lui a été bien un bide retentissant. Non. Alors que pourtant, il avait beaucoup plus de moyens, beaucoup de choses. Alors, et Sonic, c'est aussi la preuve un peu que, quelque part, quand on fait des jeux vidéo, comme quand on fait n'importe quel type d'œuvre, ce qui compte, c'est l'amour qu'on a et la passion qu'on a pour le truc, au départ. Tout à fait. Thomas Hercouet ? Oui, en fait, il y a des gens qui sont fous et qui ont beaucoup trop de temps libre, qui ont fait, depuis les années 2000, peut-être même un peu avant, qui ont pris des jeux Mega Drive, qui les ont complètement transformés, qui en ont fait des nouvelles versions. Moi, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Sonic Megamix, qui est un des premiers jeux, je crois, du mec qui a fait Sonic Mania. C'est comme Sonic 1, sauf que Sonic, il a plus de pouvoir, il y a plus de personnages, des niveaux originaux. C'est un vrai jeu Mega Drive, qui n'est jamais sorti, qui est complètement officieux, qui est un jeu pirate, mais ce jeu est fou, je crois que c'est mon jeu préféré de Sonic sur Mega Drive. Et de fil en aiguille, quand on commence à tomber sur ces jeux-là, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui font leurs armes en matière de game design, qui vont tester des jeux vidéo, qui vont manipuler ces jeux Sonic avec des éditeurs, et ça va donner des jeux complètement nouveaux. Et ça, c'est incroyable comme phénomène, parce que c'est des gens qui ont du temps à perdre, beaucoup, et qui risquent des procès, pas mal. C'est-à-dire que quand on fait ça sur un jeu Nintendo, il y a un procès qui tombe dans la boîte aux lettres dans moins de 5 jours. Donc, c'est incroyable de voir des fans aussi dévoués. C'est pour ça que je pense qu'il y en a certains qui ont pu penser que Sonic, que Sega, pardon, leur crachait un peu à la gueule avec les nouveaux jeux qui ne comprenaient rien, en tout cas beaucoup moins qu'eux. Et c'est pour ça que c'est trop bien que Sonic Mania officialise un peu cette union entre les fans et Sega, et puis on espère que pour la suite ça va marcher, quoi. Alors, depuis 25 ans, on l'a dit, il y a eu énormément de jeux Sonic qui sont sortis, mais force est de constater qu'ils n'ont pas tous eu le même succès, ils ont eu des fortunes diverses. C'est la séquence « J'aime pas ». J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Donc vous devez chercher tous les ennemis pour libérer les petits oiseaux dans ce monde en 3D isométrique. Il vous faudra donc du doigté, de la réflexion, de la patience afin de trouver les ennemis cachés un peu partout dans les différents niveaux. De la réflexion et de la patience. En jouant à Sonic ? Non mais là sérieux, je dis merde quoi. Sonic, c'est tout le contraire de la patience, c'est la vitesse, c'est l'action, c'est l'improvisation. Ce jeu va totalement à l'encontre même de l'esprit de la série. C'est comme si on te demandait d'avoir des réflexes pour jouer à SimCity quoi. Sonic n'a cessé d'essayer de réinventer la roue à chaque jeu principal de la série, changeant à chaque fois la tonalité, le style, les personnages secondaires et la façon de jouer. Il est évident que se renouveler est une bonne chose, mais changer à chaque fois au point de devenir inconsistant d'un jeu à l'autre, c'est là tout le problème de Sonic. Tu prends Mario Kart, tu retires tout le fun et t'as Sonic Air. Je vais pas m'étendre dessus tellement ce jeu est chiant. Ce jeu, très vif et coloré, ne souffre que d'une seule chose, une voix off un peu énervante en français. Et Sonic, au fil de ses jeux, continua ainsi sa chute inexorable, enchaînant les jeux plus mauvais les uns que les autres. Transformation en loup-garou, multiplication d'histoires et de personnages inutiles, jeu totalement buggé. Le jour où Dieu viendra pour juger l'humanité, ce jeu sera une des raisons pour lesquelles nous n'irons jamais au paradis. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Alors, dans cette multitude de jeux qui sont sortis sur différents supports, il y a peut-être quand même quelques noms à sauver. Ouais. Oui. Thomas Hercouet. Je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun. J'ai entendu Sonic Heroes. Il y a moi mon préféré. Je pense qu'un de mes Sonic préférés, c'est les Sonic Rush sur DS. Qui tentent des trucs. On critique beaucoup le fait que les Sonic ont tenté beaucoup de choses, se sont dispersés. Je pense qu'il faut faire vraiment gaffe à ce propos, parce qu'il y a un truc qui est quand même ultra conservateur et qui est peut-être un peu compliqué à gérer aujourd'hui dans le milieu du jeu vidéo, qui dit que un jeu vidéo, c'est le Sonic, mon Sonic à moi, c'est le Sonic des années 90 et faut pas que ça bouge. Et je pense que c'est ultra dangereux. Et c'est un discours qu'on retrouve aussi sur beaucoup d'autres médias. Des fans de Star Wars peuvent dire ça. Grave. Des fans de Marvel. Ah ouais, mais c'est toxique. C'est-à-dire que je comprends Sonic Mania, le succès ça l'est fait. Moi, Sonic Rush, je le préfère parce que c'est vrai qu'il y a ce côté qu'on retrouve dans les jeux Mega Drive. Mais il y a aussi des nouvelles mécaniques. Alors, tout n'est pas bon. Mais en fait, si on reprend les Sonic de Mega Drive, tout n'est pas bon non plus, hein. Vraiment. Il y a des choses qu'il faut vraiment modérer. Il est joli, ce petit décrochage de voix comme ça. C'est une puberté en différé. Une puberté, oui. Ouais, c'est très bien de la faire maintenant devant nous. Et en plus, c'est enregistré sur une radio nationale, c'est parfait. Olivier Bénis. Il y a un truc aussi avec Sonic, c'est que c'est un personnage qui est très très très ancré dans l'époque de sa création. C'est que Sonic, même son design, en fait, est très lié aux années 90. C'est l'image du cool kid, du garçon cool, de l'ado, avec ses baskets rouges, avec sa coiffure un peu punk et tout ça. Et du coup, c'est aussi ce qui a fait, je pense, qu'il a eu du mal à survivre aux époques suivantes, c'est qu'il était tellement lié aux années 90 que du coup, quand on parle d'un jeu Sonic, quand on veut se replonger dans un jeu Sonic, c'est qu'on veut en fait se replonger dans ces années 90 et donc dans cette façon de jouer de l'époque et ces trucs-là. Et c'est aussi pour ça, je pense, que Sonic a mieux vécu le passage des années que Mario, par exemple, c'est que Mario, dans un sens, était déjà ringard en sortant, c'est-à-dire que c'est un vieux petit ventripotent avec une moustache. Alors, on a appris qu'il n'était pas si vieux que ça. Pas si vieux que ça. Mais c'est ce qui l'a sauvé, en fait. C'est qu'au départ, c'était pas ça qui avait déterminé la création du personnage. C'était des problématiques de gameplay, des problématiques de juste faire un personnage sympathique, qui soit un petit peu universel. Et Sonic avait pas ça, parce que Sonic s'adressait directement aux ados ou aux enfants de l'époque. Et le problème, c'est que bah, entre-temps, alors, les ados et les enfants de l'époque ont grandi, c'est un peu nous aujourd'hui, c'est les trentenaires et les quadras, donc on a cette nostalgie de Sonic, et quand un nouveau Sonic sort et qu'il est un peu trop moderne, on râle un petit peu comme des vieux en disant « Ah, c'est pas comme à mon époque c'était mieux », alors que Mario, on a toujours ce côté réinvention permanente, puisque le personnage le lui-même est très très universel et peut s'adapter en fait à tout assez facilement. Enfin, rassurez-vous, hein, les personnages un peu âgés qui râlent, là je sais qu'il y en a beaucoup qui doivent écouter en disant « Oh, pourquoi ils parlent de jeux vidéo pendant une heure ?» Donc en fait, on a toujours envie de râler pour quelque chose. Isaki ? Je voulais rebondir aussi sur le fait qu'effectivement, Sonic a toujours essayé de se réadapter à son époque quand même. Notamment, tu disais, les enfants des années 90 ont grandi. Et c'est pour ça que Shadow the Hedgehog est sorti, et aussi mauvais qu'il était, et 2006 également aussi mauvais qu'il était. C'était une tentative, une première tentative de faire des jeux matures pour adultes. D'ailleurs, une petite anecdote, à l'E3 pour Shadow the Hedgehog, il y a un mec qui meurt dans l'intro du jeu, et ça a été cut. Dans le jeu Shadow the Hedgehog, dans l'intro, ce mec n'est plus là, le mec qui meurt. Parce qu'à la base, c'était un jeu qui devait vraiment être adressé aux adultes. Sauf que finalement, Sega est revenu sur sa décision, ça n'a pas été un plus 18, c'est devenu, ou un plus 16, c'est devenu un plus 12. Benjamin Benoît. Après, la question, c'était, est-ce qu'on peut sauver des éléments dans Sonic? Et on se concentre un peu sur le jeu de plateforme, le jeu d'action, mais la saga a tapé dans de nombreux genres. On a parlé d'un jeu de course tout à l'heure. Il a fait un simili Mario Party, un jeu de plateau qui s'appelle Sonic Shuffle, qui est, ma foi, sympathique. Un jeu de flipper, des jeux de course, des jeux de course aussi d'arcade, où on devait littéralement courir avec ses petites papattes. Au moins, chaque genre de jeu vidéo, il manque peut-être un jeu de rythme Sonic, mais sinon chaque type de jeu vidéo a son petit opus hérisson bleu, et dans le lot il y en a toujours un au moins de bon avec de bonnes musiques. Bah, j'évoquerai notamment le Sonic Colors sorti sur Wii U. Ah, c'est un jeu de plateforme et sur DS. Et sur DS qui Colors était sur Wii. Sur Wii. Oui, sur Wii, pas sur Wii. Qui était très très bien. C'est l'un des derniers bons opus canoniques aimé des fans, si ce n'est l'avant-dernier avec Generations et Mania. Après, Colors a quand même aussi divisé de par son scénario, parce que Sonic, on parle beaucoup de gameplay depuis tout à l'heure, mais Sonic c'est aussi une histoire. Et certes, les histoires sont simples. Elles sont très simples. Elles sont simples et sont simplistes. Mais ça essaye de faire des trucs, et il y a beaucoup de gens qui sont attachés à ça. Moi, disons, je fais partie de cette génération-là, c'est pour ça que j'en parle. Et le problème, c'est qu'à partir de Colors, on est passé d'un Sonic assez sérieux, etc., qui essayait de faire des histoires, qui essayait de faire quelque chose. Un Sonic qui s'en fout, qui fait juste des blagues. Et en fait, il fait tellement des blagues que lui-même, en arrivant dans Colors, dit « Ouais, enfin, si on est là, c'est pour casser la figure à Robotnik comme d'habitude, on sait qu'on gagne à chaque fois. » Sonic méta. Quand Sonic lui-même dit « Je sais que je gagne à chaque fois », c'est qu'à un moment donné, ça fait un peu mal à entendre, en fait. Parce qu'on sent que même le jeu lui-même sait qu'il n'y a aucun enjeu. Du coup, j'ai eu du mal à finir le jeu moi-même, à cause de ça. D'accord. Et Benjamin Benoît, là, oui. Il y a un film qui s'annonce, un film qui est censé relancer l'image de Sonic. Oh, bien sûr. Voilà, et qui finalement va être repoussé parce que le design, le look du personnage tel qu'on l'a aperçu dans la bande-annonce a tellement fâché les fans, moi le premier, que les studios ont décidé de reculer la sortie du film pour laisser le temps aux animateurs de travailler leur copie. Eh bien oui, on est tombé dans la vallée dérangeante. Sonic était 75% Fury, 75% humain. Il manque 10%, vous en faites ce que vous voulez. Et il a deux yeux distincts, il a la taille d'un petit enfant, il a les proportions d'un petit enfant, il est beaucoup trop humain pour que ce soit un personnage de jeu vidéo sympathique et cool. Et fatalement, ça fait peur. Le fantasme, c'est de réaliser, on a Sony qui vient dans notre monde, etc. Ce n'est pas un film qui adapte un jeu vidéo, c'est un film où on a un personnage qui est dans notre monde réel, et ça ne marche pas du tout, car on l'a vu à moult reprises, on l'a vu dans Sonic X, c'était bien mieux fait, et effectivement ça fait peur, et du coup les animateurs sont en train de tout refaire pour mars prochain, je crois. Mais on a toujours peur, les fans ont toujours peur. Thomas Hercouet, je pense que vous avez invoqué la théorie du complot à ce sujet. Ouais, je pense qu'il y a un petit coup marketing derrière. Non, je sais pas, c'est une théorie du complot à laquelle j'ai envie de croire, mais on n'est jamais sûr, et surtout, enfin, là, il y a des gens, si cette théorie est fausse, évidemment, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, donc chaud d'en rigoler, mais en gros, je me demande s'il n'y a pas une petite campagne marketing de faire volontairement un design un peu moche pour créer de l'émulation autour de ce film, pour ensuite préparer le remède, enfin pour apporter la solution en mode « je vous ai compris, on va prendre plus de temps pour faire le design », alors que c'est juste, il y avait un délai, et ça permet de glisser une campagne marketing en plein dedans, pour montrer qu'on est à l'écoute des fans. Et ça serait un film vraiment à l'écoute des fans. Dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais avant cela, on va écouter Metronomy avec Salted Caramel Ice Cream. Thank you. C'était Salted Caramel Ice Cream de Metronomy. Et maintenant, on va jouer. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Sébastien au téléphone. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous allez bien? Oui, bah écoutez, très bien. Ravi d'être sur France Inter. Merci de votre invitation. Vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle Danonet dans le Nord Ardèche et je suis un fier daron gamer. D'accord, ah. D'accord. Et alors, votre Sonic préféré? Alors, mon Sonic préféré, bah, ce sera le premier coup de cœur que j'ai eu. C'était sur Sega Master System en 92. Celui donc qui est sorti sur cette console. Et ensuite, bien sûr, le grand et l'unique, celui qui est sorti sur Mega Drive, sur une console que j'ai pu acheter en 93 avec mes économies d'été. Parfait, parfait. Alors, vous connaissez le principe, oui, du jeu. Vous allez devoir répondre à 3 questions en 25 secondes chrono. Et si vous ne pouvez, oui, pas répondre, que vous faites une erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez le droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. Hola. D'accord. Ok, très bien. C'est parti. Eh ben, très bien. 7. Ça correspond à réponse A, au nombre d'opus du jeu. Réponse B, non, au nombre d'épines qu'a Sonic. Réponse C, au nombre d'émeraudes du chaos. Oh, les émeraudes du chaos, je dirais. Ben, bim! Très bonne réponse! Allez, on continue, on se calme, comme tranquille, comme ça, voilà. Vous êtes bien parti. Ça va? Tout va bien? Oui, très bien, allez, oui. On continue. Question suivante. À l'origine, Sonic n'était pas un hérisson, mais un autre animal. Lequel? Logiquement, oh, ça devait être un autre. Vous avez une idée? Non, moi, j'aurais dit un lapin. Eh bien, vous auriez dit un lapin et vous auriez eu raison. Il y a aussi, il y avait une autre réponse possible, un tatou. À un moment donné, ils ont aussi pensé à un tatou, mais effectivement, le lapin a longtemps été contemplé comme une idée pour créer Sonic. Bon, bah, ça se présente très bien cette histoire, Sébastien, j'ai envie de dire. Bah, écoutez, on espère. On espère, mais espérez. Étant donné que j'ai un certain nombre de collègues qui écoutent la radio actuellement pour voir si je suis toujours au taquet sur Sega, donc on espère. C'est quand même bien d'avoir des défis de vie comme on ça. On croit en toi. Là, il y a tout le monde. Une question. Allez, Sébastien, ne lâche rien. Ne laisse pas la pression t'abattre. Merci. Maintenant, on va vous faire écouter une musique et à vous de deviner à quel opus de Sonic il correspond. Extrêmement simple. Il y a un piège. Oh, bah, je dirais Sonic 1, la Green Hill Zone. Mais oui, mais suprême, Sébastien. Mais formidable, formidable. Et bah, vous savez quoi, Sébastien? Vous avez gagné 2 jeux Team Sonic Racing pour Xbox et pour Nintendo Switch. Ah bah écoutez, bah, merci beaucoup. C'est toujours appréciable. Je les ai pas en plus, donc ça va tomber pile poil. Et ben bah, voilà, bah, on le savait, hein, on s'est un petit peu renseigné. Et nous, on tombe souvent pile poil. Voilà. Bon, bah écoutez, impeccable. Est-ce que je peux me permettre de juste passer un coucou à 2-3 collègues? Mais allez-y, passez vite un coucou. Alors, juste pour dire que je participe à un site qui s'appelle octopaddle.fr, donc qui est un site de Daron Gamer, où on partage notre passion avec nos gamins autour des jeux vidéo. Et donc, il y a pas mal de rétro sur ce site. Et on a aussi un podcast qui est mensuel. Et donc, on invite tout le monde à découvrir. Donc voilà, donc je passe bonjour à l'Octo Team, qui doit sans doute écouter votre émission. Eh bien écoutez, moi qui suis un daron et qui suis gamer, eh ben, je vais aller jeter un coup d'œil à ce site avec énormément d'attention. Ah ben écoutez, je vous remercie. Octopaddle.fr, voilà. Pas de problème. Merci à vous, Sébastien. Merci à vous et puis merci pour cette très bonne émission avec tous vos invités. Donc merci pour tout. Oh bah pas de quoi. Il y a Thomas Hercouet qui remercie. Merci, et alors, au revoir Sébastien. Dernière question à mes invités, rapidement. Est-ce que vous pensez que désormais Sonic c'est qu'une histoire de fans ou il y a encore la possibilité que la Sonic Team puisse se réveiller et fasse de nouveau un bon jeu? Tout est possible. Olivier Bénis, les deux, je dirais. Non, je crois qu'on a définitivement basculé dans le côté obscur du fandom. En fait, disons, là, ils sont un peu sur leur dernière chance pour moi. C'est-à-dire que Sonic Force, s'il est aussi mauvais, il y a aussi une autre raison, enfin mauvais, très moyen, c'est que le jeu a été fait en un an. Ils ont passé 3 ans sur leur moteur, qui est une évolution du moteur qu'ils avaient créé pour Unleashed. Et maintenant que le moteur est complètement fini, ils n'ont plus juste aucune excuse pour faire un mauvais game design, un mauvais level design. Ils n'ont aucune excuse maintenant. Donc c'est un peu le jeu de la dernière chance, je pense. Et moi, je pense que si Mario a pu se réconcilier avec Sonic, tout le monde peut se réconcilier avec Sonic. On vit un âge d'or du jeu vidéo. Aucun jeu vidéo n'a été aussi... L'univers n'a jamais été aussi riche. Tout peut arriver, vraiment. C'est... On restera là-dessus. Je tiens à remercier tous mes invités, Thomas Hercouette, Olivier Bénis, Benjamin Benoît et Isaki, alias Florent Filardet. Hein, comme toujours, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, le 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Sonic. Ou nous retrouver sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter, hashtag BlockbusterEFI. On se retrouve demain pour parler de grands pouvoirs et de grandes responsabilités. Demain, on parle du Friendly Neighborhood Spider-Man. That was cool! Hey. Après le journal, on retrouve Dorothée Barba pour le débat de midi. Dorothée qui est avec nous. Bonjour, bonjour messieurs. Dorothée. Je me demande si Mario et Sonic auraient pu matcher sur Tinder. On va parler d'amour. C'est possible. On va parler... sur Internet, oui, ça existe. Sur Internet, ça existe déjà. On va parler d'amour au temps du numérique avec les témoignages, s'il vous plaît, des auditrices et des auditeurs sur franceinter.fr à la page du débat de midi.